s'est-il passé dans la petite ville perdue d'Arzamas la nuit du 2 septembre 1869? Comment cette nuit-là, un des plus grands écrivains russes a-t-il été frappé par une terrible angoisse, sidéré par la prise de conscience qu'il allait mourir et que la vie n'avait pas de sens? Et de cette crise existentielle, qu'en a-t-il extrait? Comment a-t-il changé sa manière de penser et de vivre? Comment, en cette nuit du 2 septembre 1869, Tolstoï est ainsi devenu, plus que l'auteur de Guerre et paix ou d'Anna Karénine, un philosophe humaniste? Je voudrais savoir ce qu'est le bonheur et ce que représente en vérité le malheur. Je voudrais savoir pourquoi les hommes font la guerre et ce qui peut se cacher au fond de leur cœur quand ils prient Dieu. Je voudrais savoir ce que ressentent les hommes et les femmes en disant « je t'aime ». Vous voyez, j'ai largement de quoi m'occuper. Mais vous devez avoir beaucoup de mal à comprendre ce que je veux dire, André. Toutes les choses sont simples pour vous. Vous savez toujours exactement ce qui est juste et vous le faites. Oh, exactement. Vous êtes si différent de moi. Vous étudiez et tout devient clair. J'étudie, tout devient obscur. Bonjour Françoise Lesourd. Vous êtes professeure émérite à l'université Jean Moulin à Lyon 3. Vous êtes membre de l'IRFIL, c'est l'Institut de recherche philosophique de Lyon. Vous êtes spécialiste de l'histoire des idées en Russie. On vient d'entendre un extrait de Guerre et paix, le film de King Vidor de 56, adapté bien sûr du grand roman de Tolstoï, Guerre et paix. Et on y a entendu le personnage de Pierre Bezoukhov qui est en quête d'un sens de la vie. Est-ce qu'on peut dire que la recherche d'un sens de la vie est la question philosophique qui a animé l'œuvre de Tolstoï? Alors, on peut le dire, mais en deuxième point. En fait, Tolstoï, c'est d'abord le très grand romancier qui a créé vraiment un univers dans une certaine partie de son œuvre sur 20 ans, puisque les années 60, 1860, c'est la création de Guerre et paix, et les années 70, d'Anna Karénine. Et c'est à la fin de l'écriture d'Anna Karénine que se produit cette grande rupture dont vous avez déjà parlé. Le 2 septembre 1869. En fait, il ne faut pas la situer d'une manière aussi précise, mais c'est vrai qu'il se passe quelque chose de très important dans ce qu'on appelle la nuit d'Arzamas. Mais donc, l'important, c'est ces deux grandes périodes dans la vie de Tolstoï, parce que au premier abord, on a l'impression que dans ce foisonnement romanesque, rien ne laissait supposer ce qui allait se passer pendant la deuxième période, c'est-à-dire cette angoisse et toutes ces interrogations sur le sens de la vie. Et cet aspect, justement, de la vie et de l'œuvre de Tolstoï, il a bien été montré par Michel Aucouturier dans son dernier livre « Tolstoï, la grande âme de la Russie », où il a intitulé ces deux grandes parties. La première partie, la vie comme sens, c'est-à-dire le foisonnement, la profusion de tout ce qu'apporte la vie vécue, se suffit à soi-même, dans la première partie, où enfin on a l'impression. Et sa deuxième partie est intitulée « Le sens de la vie ». Et donc c'est le moment où il va effectivement rechercher un sens à la vie. Mais ce que vous avez lu au début, c'est très intéressant justement parce que ça montre que dès la période des romans, il y avait déjà ce Tolstoï déjà un peu préexistant, le Tolstoï de la deuxième période, mais en quelque sorte éclaté entre une multitude de héros. Et puis surtout, dans Guerre et paix, on peut quand même dire qu'il y a de grands passages assez théoriques de philosophie de l'histoire, où là, on commence à percevoir que Tolstoï n'est pas seulement un grand romancier, mais aussi, peut-être, est-ce qu'on peut le dire, un philosophe? Oui, mais là, c'est justement, c'est l'aspect le plus douteux de Guerre et paix. Vous voulez dire douteux raté, même? On peut se poser la question. Enfin, beaucoup, quand même, Par exemple, Tourguenieff, quand il l'a lu, a dit « Oh là là, il est en train de baisser, ça, la fin de Guerre et Paix, ça ne vaut pas du tout le reste ». Et c'est vrai que en plus, quand il a voulu sortir un sens de toute cette histoire qu'il avait décrite, il a eu beaucoup de mal. Et justement, cette angoisse de la nuit, la fameuse nuit d'Arzamas, elle intervient au moment où il est en train de se donner beaucoup de mal pour trouver ce sens à tout ce qu'il avait décrit dans Guerre et Paix. Il n'y arrive pas. Il n'est pas satisfait. Ce qui est bizarre, c'est que Tolstoï a écrit des romans, donc en Guerre et Paix, Anna Karénine, et finalement, il était insatisfait de seulement raconter des histoires. Il voulait à tout prix en tirer un sens. Oh non, ça je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Dans cette période, justement, il était pleinement satisfait de son œuvre d'écrivain, de ce travail de démiurge vraiment, où il crée vraiment un univers. Et c'était une période en plus d'épanouissement à tout point de vue, dans sa vie familiale aussi. Vous savez, les années 60, donc l'écriture de Guerre et Paix, c'est le moment où il a une vie familiale vraiment très heureuse. Et en plus, ça, vous savez, c'est sa femme lui sert de secrétaire en plus et réécrit toutes ces pages qu'il a corrigées pendant la nuit et les reprend et les. Donc il y a une harmonie, il y a un bonheur qui se suffit à lui-même. Et alors évidemment, il crée tous ces héros avec des angoisses qui sont latentes chez lui sans doute, ou des questionnements, des interrogations, oui, qui préexistent. Et d'ailleurs, on peut le dire aussi, qui préexistent à l'écriture de Guerre et Paix. Alors, la grande rupture d'Arzamas, en fait, elle était un peu préparée. On voit bien, il avait eu cette rupture, elle est préparée par des impressions très fortes qu'il avait reçues, par exemple, quand il était à Paris, il avait vu une exécution capitale. C'est quelque chose qui l'avait vraiment marqué. Et puis il y avait aussi quelque chose qui l'avait profondément marqué, c'est la mort de son frère Nicolas. Donc cette grande crise qui va exploser, disons, en 81, 80, 82, au moment où il va écrire Confession, elle était préparée. Et on parle toujours de cette nuit d'Arzamas. Comme d'une rupture. Oui. Mais en plus, il faut bien voir que c'est, en même temps, c'est quelque chose de très, très vécu, de très, il raconte que dans cette chambre, qui en plus, était carrée. Alors, c'était une horreur carrée. Et ce terme va même passer dans la poésie après. Enfin, ça, c'est resté vraiment dans la littérature russe. Et là, il faut dire aussi que Arzamas, c'est vraiment une toute petite ville perdue au fin fond de la province, vraiment au bord du néant. C'est au bord de nulle part. Et on se sent vraiment perdu. Et là, dans un coin de la chambre, il a l'impression de voir la mort qui est là, prête à se jeter sur lui. Et l'angoisse est telle qu'il part tout de suite. Je vous propose, Françoise Lesourd, qu'on entende un extrait de sa nouvelle « La mort d'Ivan Illich », dans lequel Ivan Illich est lui aussi confronté à la mort. Au fond de son âme, Ivan Illich savait qu'il était en train de mourir. Mais non seulement il ne pouvait s'habituer à cette idée, mais il ne la comprenait pas, ne pouvait simplement pas du tout la comprendre. L'exemple de syllogisme qu'il avait appris dans la logique de Kiesewetter, Caius est un homme, tous les hommes sont mortels, donc Caius est mortel, lui avait paru juste dans sa vie passée, seulement par rapport à Caius, mais jamais par rapport à lui. Ce Caius était un homme en général, et c'était parfaitement juste. Mais lui n'était pas Caius et pas un homme en général, il avait toujours été un être tout à fait différent de tous les autres. Il était Vania, avec sa maman, son papa, avec Mitya et Volodia, avec ses jouets, avec le cocher, la bonne, et puis avec Katienka. Avec toutes les joies, les chagrins, les fiertés de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Est-ce que Caius connaissait l'odeur de ce ballon de cuir à rayures que Vania aimait tant? Est-ce que Caius baisait ainsi la main de sa mère? Est-ce pour Caius que la jupe plissée en soie de sa mère froufroutait de cette façon? Est-ce lui qui avait protesté à l'école de droit à propos des petits pâtés? Est-ce que Caius avait été amoureux comme lui? Est-ce que Caius savait présider comme lui une séance? Ce Caius, c'est exact, est mortel. Il est juste qu'il meure, mais pour moi, Vania Ivan Ilitch, avec tous mes sentiments, toutes mes pensées, c'est une autre affaire. Et il n'est pas possible que je sois obligé de mourir. Ce serait trop affreux. Françoise Le Sourd, on vient donc d'entendre un extrait de La mort d'Ivan Ilitch. C'est une nouvelle de Tolstoï qui date de 1886, interprétée à l'instant par le comédien Vincent Schmitt. Est-ce qu'on peut dire que c'est cette expérience que Tolstoï a vécue, c'est-à-dire ce passage du particulier au général en se disant « Moi aussi, je suis comme tous les hommes et je vais mourir ». Ou c'est plutôt le contraire. Ce qu'on voit ici, c'est l'irréductibilité de la personnalité, de la personne individuelle. Et c'est justement ce qui, à la fois, le gêne et ce à quoi il veut échapper. Et c'est ce qui nous ramène à Confession. Parce que dans Confession, il raconte donc comment il s'est mis à... D'abord, il a compris que dans sa vie, presque rien ne résistait à la présence de la mort qui était là toujours et qui privait de sens presque tous les aspects, enfin tous les aspects même, de la vie. Et donc, il s'est mis à chercher ce qui pourrait conserver un sens à tout ce qu'il vivait. Et d'abord, il a fait un effort pour revenir à la religion de son enfance, qui très vite l'a déçu, enfin qui lui a semblé insuffisante. Et puis ensuite, il est plutôt parti du côté de Schopenhauer et du bouddhisme, c'est-à-dire que pour échapper à l'angoisse de la mort, il faut perdre le désir de vivre. Il faut essayer d'éliminer de soi le désir de vivre. Et ensuite, il est arrivé à l'idée que on devait ne pas chercher justement à exprimer son individualité, mais à rejoindre ce collectif qu'est le peuple dans une foi qui n'est pas du tout réfléchie, qui est une foi qui simplement aide à vivre. Donc il faut renoncer à s'interroger et rejoindre ce grand collectif qui fait la vie, comme il dit. L'humanité, une espèce d'humanité indifférenciée qui fait la vie et qui, alors là c'est lui qui l'affirme, hein, qui accepte ses malheurs, ses misères, sans protester. C'est une vision très chrétienne de l'humanité, c'est-à-dire qu'elle est quand même... pétrie par l'amour du prochain, pétrie par l'idée de subir sans répondre à la violence. Ben, c'est un amour du prochain qui devrait être chrétien, mais qui en fait chez lui va justement refuser, enfin en tout cas dans un premier temps, va refuser ce qu'on pourrait appeler l'aspect chrétien. C'est-à-dire que il va... Donc essayer de se fondre dans le peuple et surtout dans sa foi, mais dans une foi dont il n'envisage pas, par exemple, qu'elle lui propose un avenir meilleur dans l'au-delà. Ça, il n'y pense pas du tout. C'est simplement arriver à vivre ici et maintenant en éliminant cette angoisse de la mort, mais en éliminant comment, finalement, en renonçant à la conscience. Est-ce qu'il a... À ce moment-là, Tolstoï renonçait aussi à toute une partie de sa vie qui a précédé cette crise, c'est-à-dire une partie de sa vie familiale, de son bonheur, l'écriture aussi de romans. Est-ce qu'il a renoncé à cette vie-là d'écrivain ? Alors, surtout, il a vu l'activité littéraire comme quelque chose de profondément inutile et de surtout de mauvais parce que c'est... Est-ce qu'on peut dire renier ? Guerre épée ou Anna Karenine ? Oh non, pas vraiment. Non, enfin, pas vraiment. Mais enfin, à partir de ce moment-là, il a considéré que l'activité littéraire, l'art pour l'art, disons, était quelque chose de mauvais, parce que c'était se dérober à ses obligations par rapport à ceux auxquels on doit se consacrer, c'est-à-dire le peuple. Parce que ce qui lui paraissait aussi insupportable dans l'orthodoxie traditionnelle, c'est qu'elle était surtout le fait de la classe des nantis, de la classe à laquelle il appartenait. Or, il dit, c'est une classe, finalement, qui vit bien, et donc, qui n'a pas besoin de la religion, au fond. Qui n'en a pas un besoin profond. Alors que le peuple en a un besoin pour arriver à vivre, à se consoler de ses malheurs. Dans quel contexte Tolstoï s'est-il inscrit par rapport à cette idée de foi ? Est-ce qu'il a repris, par exemple, vous avez cité Schopenhauer, le bouddhisme, mais est-ce qu'il y a des courants de pensée ou des philosophes en particulier desquels il s'est inspiré pour justement découvrir cette foi ou la construire qui ne soit pas non plus une foi qui soit celle de l'Église ou la foi chrétienne telle qu'on l'entend. Mais ça va être un processus très long. D'abord, on peut pas parler de foi à ce moment-là. Il devient un maître de sagesse, c'est-à-dire il essaye de trouver comment vivre pour que la mort n'ait plus ce caractère, ne soit plus cette absurdité qui vient s'interposer entre tout ce qu'on vit et privé de sens de toute la vie. Il y a un penseur français qui est vraiment essentiel pour en général, la culture russe, c'est Pascal. Et en particulier, pour lui, c'est évidemment essentiel et c'est particulièrement important dans la toute dernière partie de sa vie. Parce que dans cette deuxième partie, donc où il commence à se poser la question du sens de la vie, on peut dire que les 10 dernières années sont moins connues quand même pour nous, sont moins connues et il semble qu'il y ait eu une évolution qui vers le retour à une foi plus traditionnelle. Parce que auparavant, il faut voir que quand il était donc cette espèce de maître de sagesse, il avait voulu réécrire l'Évangile en éliminant toute idée de transcendance, en gardant les 10 commandements, mais en fait en les envisageant comme une sagesse purement terrestre. Et ce que j'aurais voulu souligner, c'est que, en particulier dans Confession, on le voit très bien. Donc il y a un texte de 1882. Oui. Et puis c'est celui qui est le plus le témoignage de son grand retournement, justement, de sa prise de conscience. Et dans Confession, il y a un passage où il parle de son essai pour revenir à la religion de son enfance, enfin à l'orthodoxie traditionnelle, et où on voit que il accepterait très bien la confession, divers aspects. Mais il y a une chose qu'il ne supporte pas et qui provoque chez lui une espèce de un refus viscéral, c'est la communion, l'Eucharistie, qui justement est le moment où la personne doit accepter l'idée de transcendance et vraiment confrontée à l'idée de transcendance. Et si vous voulez, je vais lire justement les quelques phrases qu'il prononce à ce sujet. Lorsque le prêtre m'a fait répéter que je croyais que ce que j'allais avaler, en plus ces termes sont grossiers presque, enfin, ce que j'allais avaler était vraiment la chair et le sang, ce fut comme un coup de poignard qui me transperça le cœur. Donc c'est à la fois, évidemment, sa raison qui ne peut pas supporter, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment l'homme de la raison, Tolstoï, qui ne peut pas supporter, par exemple, l'idée que d'un Dieu unique en trois personnes, il dit « il faudrait que je sois fou pour accepter ça ». Donc sa conversion, on va dire, vers la foi ou pour accepter la mort par la foi, ne l'a pas fait non plus tourner le dos à un certain rationalisme ou à la raison. Au contraire, non, non, bien sûr, non, non, ça, il n'a jamais. Non, parce que aussi la raison, c'est le refus d'abdiquer son moi, et c'est l'orgueil. C'est en partie lié à l'orgueil. Donc non. Et cet aspect, ce refus de la transcendance, il va justement s'atténuer, changer, et dans les dernières années de sa vie, il apparaît comme beaucoup plus accessible à certaines idées, en particulier sur l'éternité, qui modifie un peu son rapport justement, en particulier à l'idée de transcendance. Et là, je voulais parler d'une œuvre qui est pas très connue de ces 10 dernières années. C'est le cercle de lecture. On présente ça comme un recueil d'aphorismes, de citations des grands maîtres de sagesse de l'humanité, mais sur lequel il a travaillé pendant des années entières. Donc c'est quelque chose à quoi il accordait une très grande importance et il l'a très bien construit. C'est-à-dire que chaque jour de l'année est présenté comme chaque fois comme un cercle de lecture avec un titre général et un certain nombre de citations qui tous tournent autour de ce thème qui va être le thème central de la journée. Donc c'est un recueil de réflexions pour les gens pour chaque jour de l'année. Et là on voit par exemple dans les titres qu'il donne à certaines de ces journées, il y a par exemple sur la nature divine de l'âme. Bon, je donne juste un exemple comme ça, mais on voit que déjà la nature de sa réflexion commence à changer légèrement. Il faut pas aller au-delà, et ce qui est très caractéristique d'ailleurs, c'est que dans l'édition soviétique, les titres ont été supprimés, les titres de de chaque journée. La vision n'est pas une croyance établie une fois pour toutes. Une croyance au phénomène surnaturel qui soi-disant se produisit autrefois, ni la croyance à la nuit. La religion n'est pas une croyance établie une fois pour toutes, une croyance au phénomène surnaturel qui soi-disant se produisit autrefois, ni la croyance à la nécessité de certaines prières et certains rites. Elle n'est pas non plus, comme le pensent les savants, le reste de superstition et de l'ignorance antique qu'il n'est pour notre temps d'aucune nécessité d'adapter. La religion, c'est le rapport de l'homme envers la vie éternelle, envers Dieu, rapport établi en accord avec la raison et la science contemporaine et qui seul pousse l'humanité en avant vers le but qui lui est assigné. L'âme humaine, c'est la lampe de Dieu, dit une sage expression hébraïque. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la religion, et en quoi consiste son essence. L'homme est un animal faible, misérable, tant que dans son âme ne brûle pas la lumière de Dieu. Et quand cette lumière s'enflamme, l'homme devient l'être le plus puissant au monde. Et il n'en peut être autrement, parce qu'alors ce n'est plus sa force qui agit en lui, mais celle de Dieu. Voilà ce qu'est la religion et en quoi consiste son essence. Françoise Le Sourd, aviez-vous déjà entendu la voix de Tolstoï ? Non. Je crois pas, enfin je me souviens pas, non. Mais c'est une archive donc oui. De Tolstoï qui de 1909 qui lit donc un extrait de ce texte que j'ai oui. lu pour plus de clarté qui oui. s'appelle Qu'est-ce que la religion oui. qui date de 1902. Est-ce qu'on a dans ce texte ce mouvement que vous avez décrit, Françoise Le Sourd, à savoir on a d'abord parlé de la rupture où en fait il essaye de se tourner vers la religion pour trouver la foi et puis finalement il s'en détourne et puis il y revient dans les dernières années de sa vie. Je précise que Tolstoï est mort en 1910. Est-ce que c'est cette religion qu'il décrit dans ce texte vers laquelle il va finir par se tourner pour accepter la mort ? Je suis pas vraiment sûre parce que il reste cette indétermination. Qu'est-ce qu'il entend par Dieu ? Et c'est c'est justement le fond de la question. Au début de sa deuxième période, justement, le grand philosophe de cette époque, Vladimir Salaviov, lui disait, on essaye de croire comme le peuple, parce qu'on est incapable d'avoir la foi traditionnelle orthodoxe, des gens cultivés, et dans l'incapacité de croire, on se met à vivre comme le peuple. Et donc, c'était un substitut à la foi. Mais ce que ça signifiait, c'est que, en fait, l'idée d'un Dieu personnel, surtout, était pour lui insoutenable, parce que c'est ce dont j'avais parlé tout à l'heure. Du coup, c'était l'idée, donc ce qu'on peut appeler l'idée de transcendance, qui mettait en question son moi à lui, le forçait à sortir de son moi, à échapper à sa personnalité propre. Enfin, mettait en question sa personnalité propre, ce à quoi il ne pouvait jamais renoncer. Dans un autre texte qui s'appelle « Quelle est ma foi ?», il examine toutes les façons de croire, et toujours il dit « ça ne me convenait pas ». C'est-à-dire qu'il y a une personnalité d'une telle force, ce qui va avec sa personnalité de très grand créateur, qui est irréductible. Mais ce qui est paradoxal, Françoise Le Sourd, c'est que vous nous avez dit que ce qui s'est passé dans cette nuit du 2 septembre 1869, c'est que ce qui lui a été insupportable, c'est l'irréductibilité de sa personnalité, qui soit face à la mort. C'est ça qu'il n'a pas supporté finalement. Il n'a pas supporté, lui, de ne pas résister à la mort. Et là, il veut quand même conserver un moi face à Dieu ou à une transcendance qui serait Dieu. Oui, non, ce qu'il a éprouvé justement, c'est au moment de la nuit d'Arzamas, c'est au contraire la terreur de voir que ce moi soit détruit. Courait le risque d'être détruit et que ce qu'il faisait, toute son action, devenait absurde à cause de la présence de la mort. Et alors pourquoi s'est-il tourné justement vers Dieu, ou même, vous l'avez dit aussi, vers quelque chose de collectif comme le peuple? Parce que rien de plus réducteur pour le moi qu'un Dieu écrasant ou qu'un collectif comme le peuple. Précisément, c'est parce qu'il y a toujours chez lui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est tellement riche, il y a toujours cet antagonisme entre l'irréductibilité de ce moi et puis la volonté de le surmonter. Et le peuple, c'est une de ces possibilités. Se fondre dans le peuple, ce serait une des possibilités de le surmonter. Et surtout, il le dit parfaitement dans Confession, d'abolir la conscience en se fondant dans le tout. En fait, ça, et justement, c'est là qu'on peut revenir sur cette idée de deux périodes bien définies. En fait, il a écrit un récit en 58, donc avant même Guerre et Paix, qui s'appelle « Trois morts », où il montre une dame de la noblesse qui meurt avec beaucoup de douleur, mal, enfin, un paysan qui meurt simplement, avec une espèce de sérénité, et l'arbre qui meurt bien, parce qu'il se réunit à la nature. Donc, mais on peut dire aussi, c'est moins il y a de conscience et plus la mort est, entre guillemets, bonne. Et Vladimir Salaviov, justement, ironisait là-dessus et disait, pourquoi pas aller jusqu'à la pierre, qui, elle, est tout à fait insensible et donc meurt parfaitement bien. Ou ne meurt jamais, d'ailleurs. Oui, enfin, là, on peut hésiter, oui, justement. Oui. Mais comment Tolstoï a-t-il pu résoudre alors ce paradoxe de ce côté démiurgique, d'un moi tout puissant avec cette conscience en même temps qui le tiraillait? Comment, enfin, quelle issue a-t-il trouvé? Est-ce que c'était dans la croyance? Est-ce que c'était dans la politique? Pour vous, Françoise Le Sourd, comment a-t-il trouvé l'issue? Justement, il ne la trouvait jamais définitivement, et c'est ce qui fait le dynamisme de sa pensée. C'est-à-dire qu'il était sans cesse rejeté d'une solution à une autre. Mais en général, c'était essentiellement l'amour du prochain. L'amour du prochain qui permettait de... Là aussi, qui était une façon d'échapper aux limites de son moi. Seulement, là encore, on tombe dans les espèces de contradictions internes de sa pensée, et qui lui donne encore une fois tout son dynamisme. C'est que, en réalité, en tant que créateur, justement, il avait une lucidité impitoyable sur ses semblables. Et que, pour aimer le prochain, il fallait que ce soit un prochain vraiment très, très loin de lui. Et justement, je voudrais citer des passages de Romain Rolland, et pourtant Romain Rolland était plein d'admiration pour Tolstoï, mais il disait à ce propos, il observe les gens avec un réalisme sans défaut, donc c'est ce que je disais, impitoyable, mais dès qu'il ferme les yeux, je souligne, dès qu'il ferme les yeux, ses rêves le reprennent et son amour des hommes. Et plus loin, alors, Romain Rolland cite alors une phrase de Tolstoï, « Il faut aimer le prochain, celui avec qui l'on vit et qui vous gêne. » Ça impliquait une immense difficulté qu'il surmontait et qui d'ailleurs, là encore, donnait ce dynamisme à sa vie intérieure. Le fait de devoir surmonter cette lucidité incurable était une forme de dynamisme. C'est, il devait lutter avec. Et pourtant, Françoise Le Sourd, dans le texte Confession, Tolstoï raconte qu'il se met à fréquenter des croyants pauvres, des gens simples, analphabètes, des pèlerins, des moines, des vieux croyants, des paysans. Écoutez. Je me mis à fréquenter des croyants pauvres, des gens simples, analphabètes, des pèlerins, des moines, des vieux croyants, des paysans. Contrairement à ce que je voyais dans notre milieu, où toute la vie se déroule dans l'oisiveté, dans des distractions, et où l'on est mécontent de la vie, je vis que toute la vie de ces gens était faite de pénibles labeurs et qu'ils étaient heureux de vivre. Je finis par aimer ces gens. Plus je sondais leur vie, celle des vivants et celle des morts dont j'avais entendu parler ou que je connaissais par mes lectures, plus je les aimais et plus ma vie à moi me semblait facile. Au bout de 2 années de cette vie, je connus un bouleversement qui se préparait en moi depuis longtemps et dont les prémices m'habitaient depuis toujours. Il arriva que la vie de notre milieu, des gens riches et savants, me parut non seulement dégoûtante, mais elle perdit pour moi tout son sens. Tous nos actes, nos raisonnements, nos sciences, nos arts, tout m'apparut sous un jour nouveau. Je compris que tout cela n'était qu'un jeu et que ce n'était pas là qu'il fallait chercher du sens. En revanche, la vie de tout le peuple travailleur, de toute l'humanité occupée à créer la vie, m'apparut sous son jour véritable. Je compris que c'était la vie à l'état pur et que le sens donné à cette vie était la vérité même. Et je l'acceptais. Culture, les chemins de la philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. C'est un magnifique texte que l'on vient d'entendre, Françoise Le Sourd, interprété par le comédien Vincent Schmitt, un extrait, comme je l'ai dit, de son texte, du texte Confession de Tolstoï. Et on retrouve dans ce texte, effectivement, cette idée d'un autre, un petit peu abstraite, c'est-à-dire la manière dont il décrit le paysan, le peuple travailleur qui doit créer à quelque chose d'un peu naïf, d'une certaine manière, et qui fait penser parfois à ce qu'on peut lire chez un Jean-Jacques Rousseau sur la nature, mais aussi sur la société corrompt les mœurs, les arts, la science corrompt les mœurs, corrompt les hommes. Il faut donc revenir à la nature même de l'homme, la nature bonne de l'homme. Oui, c'est-à-dire que ça repose encore sur ce dont je parlais tout à l'heure, à la fois la volonté de se fondre dans un grand tout qui est là, le peuple, les gens simples, et l'idée qu'ils sont pleinement heureux de leur sort et que leur sort n'a pas à être amélioré. C'est-à-dire que ces gens qui quand même rencontrent de grandes épreuves, ils sont bien dans ces épreuves-là parce que le comte Léon Tolstoï a décidé que c'était comme ça qu'il fallait vivre. Mais c'est là où c'est un petit peu naïf, non, de penser que... Bah non, c'est pas naïf. Je crois que c'est pas naïf. C'est pas naïf de penser que les croyants pauvres, les analphabètes, les vieux croyants, les paysans, quand on est comte, vivent bien. Ben, c'est une espèce de aussi d'alibi, et c'est ce que disait Vladimir Salaviov. Ne pouvant pas croire, on va vivre comme le peuple, parce que on ne peut pas croire, parce qu'on n'arrive pas à croire. On voudrait croire, mais on n'y arrive pas. Et donc, on trouve le peuple comme une espèce de planche de salut. On a décidé que c'était la planche de salut, mais est-ce que c'est vraiment juste, et surtout, est-ce que là, En accablant de reproches son origine sociale, ce qui n'était pas faux non plus, mais est-ce qu'il obéissait à sa vocation d'intellectuel, qui aurait été quand même de permettre à ces gens justement d'avoir une vie meilleure et surtout d'avoir un développement aussi sur le plan intellectuel. Et c'est là encore un des paradoxes, c'est qu'il n'a pas cessé d'ouvrir des écoles pour les paysans. Il a ouvert une école pour les paysans très tôt à Jasna Paliana. Il s'intéressait même de très près aux questions pédagogiques, aux programmes, etc. Mais en même temps, et là encore, c'est le paradoxe, c'est que il déconseillait à ceux qui le lui demandaient d'aller faire des études au-delà de l'école, d'aller faire des études à l'université. Ça, c'était mauvais pour eux, parce que ça allait donner à ces gens des idées, des perspectives, des espoirs qui n'étaient pas pour eux, enfin qui allaient les maintenir dans une insatisfaction au lieu de les garder dans leurs conditions d'origine. Et lui, Tolstoï, a-t-il cherché à changer de condition ? À partir de là, c'est qu'il n'a pas seulement transformé sa manière de penser ou peut-être d'écrire, c'est aussi que lui-même, en fait, a vécu autrement. Il aurait dû. Alors, il a essayé. Il a essayé. Il est quand même devenu végétarien. Oui, oui. Il apprenait l'idée de ne pas participer à des actions violentes de l'État. Oui. Il a quand même changé de mode de vie au point même, quand même, de se séparer de sa femme, de son épouse Sophie, et de rompre avec ce mode de vie-là. Pas vraiment. Enfin, il a rompu avec ce mode de vie, mais il était prisonnier de son statut social et de son statut d'immense écrivain. Il était prisonnier sur tous les plans. Quand il cousait lui-même ses bottes, c'était un domestique qui lui apportait le fil et de quoi faire faire ses bottes. Quand il labourait son champ, un champ lui-même, il y avait le peintre Riepin qui faisait son tableau, il y avait des photographes, enfin. Et même s'il était parti, il a rompu avec sa femme quand il est parti en 1910, en octobre, quand il allait mourir, la fameuse fuite de Jasna Paliana, mais c'est tout. Et s'il était parti, par exemple, vivre en tant qu'ermite, loin, etc., mais ça serait devenu un lieu de pèlerinage de toute façon, étant donné l'adulation dont il était entouré. Donc il était prisonnier, et on l'a accusé souvent, même pas d'hypocrisie d'ailleurs, mais d'insincérité. Mais il pouvait pas échapper à cette insincérité, quoi qu'il fasse. Et ça allait beaucoup plus loin encore, parce qu'il aurait voulu, il était quand même très très agressif vis-à-vis de l'Église officielle, il aurait voulu souffrir pour ses idées, c'est-à-dire être peut-être pas mis en prison, mais enfin envoyé en relégation. Et on sait très bien qu'un haut dignitaire lui a dit si on vous mettait en prison, ou même si on vous envoyait en relégation, ça ne serait qu'une plus grande gloire encore pour vous, et nous, ça serait nous mettre, nous, en difficulté. On peut pas dire qu'il a été responsable. Et quelqu'un disait aussi, au fond, il est vraiment dans son rôle quand il se fait tenser par ses disciples qui lui disent, voilà, vous ne vivez pas comme vous devriez. Alors, à défaut de ne pas avoir pu vivre malgré lui comme il voulait vivre, on entend aussi quand même dans ce texte, Françoise Lesourd, qu'il y a une idée, une dimension politique aussi dans sa conversion par la suite, qui serait une idée quand même d'un collectif qui repose sur la fraternité. On a parlé d'une éthique socialiste et même de tolstoïsme, par exemple, d'un mouvement qui serait fondé, donc c'est l'amour du prochain décliné de manière politique, où en fait les uns et les autres seraient unis dans une forme de fraternité. Oui, mais cette fraternité n'a pas, non, le mot politique ne convient pas là, c'est une fraternité qui est en dehors du monde politique, enfin de tout ce qu'on peut appeler politique. Par exemple, l'idée même de socialisme en tant que tel ne s'applique pas. Oh, à lui, je ne crois pas vraiment. Je ne pense pas. Les petites communautés de Tolstoïens étaient un peu en marge, un peu fermées sur elles-mêmes, et on pratiquait un ascétisme et un examen de conscience permanent, mais étaient complètement en dehors de toute préoccupation politique. Et ça va au-delà de Tolstoï, hein. C'est vraiment russe. L'idée que le paysan, justement, a cette espèce de pureté qu'il est en dehors du monde politique. Plus j'avance en âge, et surtout maintenant que je sens la mort approcher, plus je voudrais dire aux autres ce que je ressens si vivement et qui pour moi est d'une importance capitale. Je veux parler de ce qu'on appelle la non-résistance, mais qui en réalité n'est pas autre chose que la loi d'amour débarrassée de ses fausses interprétations. Tout homme sent et reconnaît, au fond de lui-même, on le voit très bien chez les enfants, que l'amour, c'est-à-dire l'aspiration des âmes à l'union et le comportement qui en résulte, est l'unique loi de la vie. Il le sait tant qu'il n'a pas été fourvoyé par les faux enseignements du monde. Tout homme raisonnable sait que la pratique de la violence est incompatible avec l'amour, règle de vie fondamentale, et que dès lors qu'on admet la violence dans certains cas, on reconnaît l'insuffisance de la loi d'amour et partant, on la nie. La civilisation chrétienne, apparemment si brillante, est entièrement fondée sur cette évidente et étrange contradiction, quelquefois consciente, la plupart du temps inconsciente. C'est une lettre que Tolstoï a écrite à Gandhi, qui lui, pour le coup, était un homme politique, et on y entend quand même ce grand principe politique de non-violence, en tout cas de non-résistance. Tolstoï l'a lui-même promu, alors non pas de manière politique, mais sûrement de manière éthique. Comment l'a-t-il mis en œuvre et comment en est-il venu, à partir de l'amour du prochain, de l'amour de Dieu, à trouver ce principe, à le construire? Dans le cas de Gandhi, cette idée de ne pas résister au mal, elle a fait, effectivement, elle a eu un prolongement politique. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, elle a eu une valeur politique. Mais en quelque sorte, au-delà de la volonté de Tolstoï, finalement, c'est une idée qu'il a lancée et qui a été reprise et qui a eu une très grande importance, effectivement, sur le plan politique. Sinon, qu'est-ce que c'était la non-violence? C'est exactement la non-résistance au mal. Ça se dit. Oui, que maintenant, d'ailleurs, on connaît plutôt sous le terme de non-violence, mais effectivement, chez Tolstoï, c'était la non-résistance au mal. Oui, enfin, c'est la non-résistance au mal par la violence, exactement, si on traduit exactement l'expression russe. C'est donc. On peut donc vous agresser, vous faire du mal, etc. Vous ne vous défendez pas. Pour ne pas exercer sur l'autre une violence et donc ne pas renoncer à cet amour du prochain. Alors, il faut dire que l'idée de non-violence, elle est très ancienne. Là aussi, ça dépasse complètement Tolstoï, elle est très ancienne dans la culture russe. Les premiers saints martyrs de la culture russe, c'est les deux frères Boris et Gleb, qui avaient les prétendants au trône, qui avaient été assassinés par leur oncle, et qui avaient refusé de se défendre lorsqu'ils avaient vu arriver les meurtriers. Et donc c'est vraiment avant Tolstoï, c'est déjà exactement la prédication de la non-violence qu'on voit. Donc c'est quelque chose de très profond. Et ça faisait partie, en fait, ce refus de la violence, ça faisait partie de cette négation de l'État, de l'armée, de la justice qu'il professait. Et on lui a beaucoup reproché parce que prenait la non-violence. Mais est-ce qu'il était en position de subir cette violence lui-même? Pas vraiment. Et Vladimir Salavioch, justement, toujours, était très critique de ce point de vue. Et dans ces trois entretiens sur la guerre, il dit « prenez la non-violence, finalement, c'est prendre le parti de Caïn contre Abel. Et laisser l'innocent se faire massacrer par des malfaiteurs. » Donc, une autre, je crois que c'est Marc Aldanoff qui disait, c'était une forme, là encore, une forme d'orgueil. Et toujours la personnalité tellement énorme de Tolstoï qui revient. C'était une forme, une façon aussi de dire à l'autre, quoi que tu fasses, de toute façon, tu ne pourras jamais aller jusqu'à m'agresser ou me mettre en danger, enfin, dans mon être profond, propre. Oui, oui. Et donc il y a des aspects très divers dans la non-violence. Et Vladimir Salaviov disait aussi, il y a des guerres justes, on n'y peut rien. Il y a des guerres justes, quoi qu'on, même si on est contre la violence, il faut admettre que il y en a qui sont justes et les refuser, c'est encore une fois être infidèle à cet amour du prochain que prônait Tolstoï. Est-ce qu'on peut voir chez Tolstoï une forme de fatalisme? Dans l'idée, par exemple, quand il voit, par exemple, les paysans, les gens simples, comme vous l'avez dit, dire mais il ne faut pas qu'ils veuillent sortir de leurs conditions. Quand il voit dans l'État quelque chose d'oppressant pour l'individu, ou par exemple avec la non-violence et une forme d'opposition à la politique, à toute forme de politique, est-ce qu'on peut voir chez Tolstoï une forme de on accepte sa condition et en cela une forme de fatalisme? Ben, pour les autres. Je suis désolée, mais c'est un fatalisme qui s'applique aux autres, parce que lui, encore une fois, était en dehors de toutes ces menaces. Lui-même, il était inaccessible. Quand on pense qu'il était capable de tenir tête même au pouvoir de l'État. Par exemple, on sait qu'il était extrêmement agressif vis-à-vis de l'Église officielle, l'Église orthodoxe. Il avait vraiment, je ne vais pas tout raconter, mais il avait vraiment une attitude agressive qui rappelle celle de Voltaire un peu. Sauf que Voltaire n'avait pas voulu créer de nouvelles religions, alors que Tolstoï, en réécrivant l'Évangile, c'est un peu ce qu'il voulait faire. Mais Alexandre III, par exemple, a dit « Tant que je suis vivant, on ne touchera pas à Léon Tolstoï ». Donc vous voyez, c'était... Ça allait très loin. Et le seul moment où on est intervenu contre lui, c'est en 1901, quand il a été excommunié. Après Résurrection. Parce que là, il a, vous savez, dans Résurrection, il décrit la Divine Liturgie comme un ensemble de gestes et de paroles totalement privés de sens. Comme quelqu'un qui les verrait sans savoir de quoi il s'agit. Donc, et d'ailleurs, il crée là un procédé littéraire qu'on a appelé celui de la défamiliarisation. Enfin, et ça a été considéré évidemment comme sacrilège. Et après, donc là, et c'était plus Alexandre III de toute façon, il a été excommunié. Et ça a été un véritable détonateur pour la société russe. Parce que malgré tout, sa prédication de la non-violence, de l'amour des autres, etc., elle était vraiment acceptée par les gens, par beaucoup de gens, et en particulier par le clergé, des gens simples du clergé, et qui disaient mais je vais pas pouvoir dire le comte Léon Tolstoï anathème. Parce que c'était ça, ce que ça voulait dire. Et ça a été un détonateur pour toute la société, et ça a contribué, ça a donné le coup d'envoi à ce qu'on appelle les assemblées philosophico-religieuses. C'est-à-dire des moments où les représentants d'intelligentsia, de l'intelligentsia, se sont réunis avec des représentants de l'Église. Et se sont mis à réfléchir sur cette rupture qui datait de très loin entre la société cultivée et l'Église, et pour essayer de poser le problème. Et là, on voit que Tolstoï était absolument au centre de tous les débats. Et en particulier, il permettait de poser cette question cruciale des liens de l'Église avec l'État. L'Église était complètement, normalement, elle était, comment dire, il y avait la fameuse symphonie des pouvoirs, c'est-à-dire qu'elle avait le pouvoir spirituel à égalité avec le pouvoir temporel. En fait, elle était sous la coupe de l'État, et même on a démontré que cette dépendance empêchait même certains religieux d'accomplir leur devoir à la fois spirituel et même intellectuel dans la société. Donc, ces assemblées philosophiques et religieuses, elles ont été vraiment déterminantes pour un changement, enfin une nouvelle réflexion de la société. Et puis, elles ont joué aussi un grand rôle dans ce renouveau spirituel au début du XXe siècle qu'on a appelé la nouvelle conscience religieuse. Le fond de l'art de l'avenir sera constitué par des sentiments encourageant les hommes à s'unir, ou bien les unissant en effet. La forme de cet art sera telle qu'elle puisse être accessible à l'ensemble des hommes. Et par suite, l'idéal de la perfection, dans l'avenir, ne sera plus le degré de particularité des sentiments, mais au contraire leur degré de généralité. L'artiste ne cherchera plus, comme aujourd'hui, à être obscur, compliqué et emphatique, mais au contraire à être bref, clair et simple. Et c'est seulement quand l'art aura pris ce caractère qu'il ne servira plus uniquement à distraire et à amuser une classe d'oisifs, comme il le fait à présent, mais recommencera enfin à réaliser sa destination véritable, c'est-à-dire à transporter une conception religieuse du domaine de la raison dans le domaine du sentiment, à conduire ainsi les hommes vers le bonheur, vers la vie, vers cette union et cette perfection que leur recommande leur conscience religieuse. Françoise Le Sourd, on a parlé de religion, on a parlé de foi, on a parlé de politique, on a parlé aussi de non-violence, mais on n'a pas beaucoup parlé d'art. Or, Tolstoï a écrit en 1898 « Qu'est-ce que l'art ?» Et effectivement, après ce qu'on a décrit comme un moment de rupture en 69, Tolstoï continue à écrire, mais est-ce qu'on peut dire encore qu'il est un écrivain ? Est-ce qu'il écrit de la même manière ? Comment, en fait, cette rupture a-t-elle bouleversé sa conception de l'art ? Alors, il a renoncé à ce qu'on peut appeler l'art pour l'art. Il a mis son talent d'écrivain au service de ses nouvelles idées. Et en particulier dans La mort d'Ivan Ilitch, qui est quand même, sur le plan littéraire, qui reste quelque chose de très fort sur le plan littéraire, il met ce talent d'écrivain au service d'une démonstration, la démonstration d'une idée qu'il a mal vécue, et c'est la prise de conscience de ce qu'il a mal vécu qui lui donne une mort bonne. Donc, il est complètement en opposition aux tendances de son époque qui revenaient à un art non utilitaire, à l'art pour l'art, un intérêt très poussé pour l'aspect formel. Donc, mais malgré tout, son génie d'écrivain ressurgit en quelque sorte malgré lui. Et en particulier dans Résurrection, comment il décrit le premier moment où justement cette nuit de Pâques qui coïncide avec le renouveau de la nature au printemps est le moment où surgit cet amour entre Katyusha et Nekhludov. C'est des passages qui ont une valeur littéraire en elle-même, tout à fait indépendamment de la théorie que voulait démontrer Tolstoï. Donc il n'a pas renoncé au style. C'est-à-dire qu'il a renoncé, comme toujours, il a affirmé qu'il renonçait, et il a... Et malgré lui, c'est un génie, donc il écrit magnifiquement et bien. Bien sûr, et plus encore, justement, là encore, c'est Vladimir Salaviov qui disait, même ces théories qui peuvent sembler ou un peu simplistes, on l'a beaucoup accusé de simplisme, ou insuffisantes, enfin, mais partout... ressurgit sa sensibilité artistique. C'est-à-dire que ce monde des idées, de sa deuxième période, il est présent, il les vit, on peut dire, à travers sa sensibilité artistique. Et de quelle manière, par exemple, on peut le ressentir ? C'est-à-dire que ce changement d'un art pour l'art à un art, on va dire, utile, qui sert à transmettre un message clair, mais d'une belle manière, comment, en fait, son écriture l'exprime ? Mais parce qu'il n'y a rien de vraiment abstrait, tout passe par la sensibilité. Les idées sont quand même indissociables d'un vécu. Et c'est ce qui leur donne justement cet aspect. Il y a une sensibilité frémissante chez lui depuis toujours, qu'il a gardée jusqu'à ces dernières années, et qui continue à se manifester dans ses œuvres, théoriques, enfin ses œuvres de penseurs. Merci beaucoup, Françoise Le Sourd. Твой вагон, все в лучшем виде одному тебе дано. В цветном раю увидеть сон, трехвековое непрерывное кино. Все позади, уже сняты, все отпечатки контрабанды не берем. Как херувим, стерилен ты, а класс второй не высший класс, зато с бельем вот и сбывается. То, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Земной перрон, не унывай и не кричи для наших воплей, он оглох. Один из нас уехал в рай, он встретит Бога, если есть какой-то Бог. Он передаст ему привет, а позабудет, ничего переживем. Осталось нам немного лет, мы пошустрим и, как положено, умрем. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Всем дано поспать в раю, но кое-что мы здесь успеем натворить. Подраться, спеть, вот я пою. Другие любят, третьи думают любить. Уйдут, как мы, в ничто без сна. И сыновья, и внуки внуков в трех веках. Не дай Господь, чтобы война, а то мы правнуков оставим в дураках. Вот и сбывается все, что пророчится, уходит поезд в небеса, счастливый путь. Ах, как нам хочется, как всем нам хочется не умереть, а именно уснуть. Тебе плевать. Merci beaucoup, Françoise Le Sourd. J'en profite pour annoncer sur la chanson de Vladimir Vysotsky, Balade sur le départ au paradis. J'en profite pour annoncer que vous avez dirigé Tolstoï et la vie intellectuelle de son temps. Cahier Léon Tolstoï numéro 26, c'est aux éditions Institut d'études slaves. Et puis surtout le dictionnaire de la philosophie russe aux éditions L'Âge d'Homme. Et un grand merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert, Manon Delasselle qui a préparé cette émission, Isis Jourda, Jules Barbier, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Laurence Malonda et Nicolas Berger à la réalisation, avec à la prise de son aujourd'hui Marie-Claire Oumabadi. Et merci à Adèle Vendrette que vous retrouverez la semaine prochaine, mais qui sera ces vendredis et samedis à Lille au festival Cité Philo. 4 émissions enregistrées en public sur le pouvoir de la parole. Parler, est-ce agir? Est-ce guérir? Ou mentir permet-il de devenir quelqu'un d'autre? Ce sera donc à Lille, vendredi et samedi. Le programme avec les invités et les horaires sont disponibles sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Et c'est aussi sur cette page que vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur Tolstoï, philosophe, et trouver toutes nos informations musicales et bibliographiques. Rendez-vous aussi sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram. On se donne rendez-vous demain pour la suite et fin de notre série sur les philosophes russes. Et demain, place à l'anarchiste Bakounine. Ce sera donc demain à 10h sur France Culture.